Lista, elle mange du villageois de tierce lieu, de la sorcière exposée entre ses dents. Christa mange avec des dents aiguisées comme des couperets, de flèches qui donnent des idées, des sensations. Christa, elle est maigre, lait de la nuit, belle le jour, la boire manger me transforme en excité. Amorto, comme ta bouche est immense, quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en moi? Mais c'est la morte qui t'a assassiné, ma Christa. Oui, c'est la morte qui t'a consommé, Christa. C'est un loup que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en ascendance. La morte, c'est comme une chose impossible. Et même à toi qui es forte comme une fusée. Et même à toi qui es la vie, même Christa. C'est la morte qui t'a consommé. Christa mange un peu d'ancien, la force dans la mastication, un plat composé de petites filles et de chasseurs. De la voyante, elle mange aussi très bien, et sa boule de cristal, elle la digère pas. Elle a cherché une nouvelle recette et elle l'a inventée. C'est elle, la centrelle, la méchante menthe religieuse, la mangeuse de populace de tierce lieu. Amorto, comme ta bouche est immense, quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est la morte qui t'a assassiné, Christ. Oui, c'est la morte qui t'a consommé, Christ. C'est un loup que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en ascendance. La mort, c'est comme une chose impossible. Même à toi qui es fort comme une fusée. Et même à toi qui es la vie même, Christ. C'est la morte qui t'a consommé. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop